Chapitre 10e. Le malade bien portant. Paulin Broquet se rendit ce jour-là rue des Mathurins, chez les fils du banquier avec qui, maintenant, il s'était lié. Paulin Broquet admirait leur cœur, leur loyauté. Il les approuvait dans leurs projets de réparation, il les secondait, leur facilitait la tâche délicate et pénible, tout en demeurant pour tout le monde dans un rigoureux incognito. Raoul et Robert, de leur côté, appréciaient les grandes qualités de Paulin Broquet, la noblesse de son caractère, sa loyauté, sa bravoure. Ils l'admiraient comme un soldat d'une folle vaillance, comme une sorte de paladin du bien, du chevalier de la justice. Les deux frères lui communiquèrent donc le dossier mystérieux qui les préoccupait si grandement. « Nous pensons, mon frère et moi, dit Raoul, que ces quelques feuilles jaunies, froissées, contiennent une grande partie de la vie de notre malheureux père. » Paulin Broquet regarda, feuille par feuille, étudia chaque note une à une, les compara, les ausculta pour ainsi dire, les analysa, et après un assez long silence, demanda aux jeunes gens « Vous voulez connaître la clé de ce dossier mystérieux ? Oui. Vous êtes décidé à tout apprendre, même si cela est très douloureux, très pénible, déconcertant. Oui. » dit Robert et Raoul avec décision. « Bien, » fit Paulin Broquet, « alors nous saurons. » Paulin Broquet dit ensuite à Raoul, « Je vois là les dernières fiches. Elles me paraissent de date récente. Donc, votre père subissait, tout dernièrement encore, ce chantage depuis fort longtemps commencé. C'est évident. Pour qu'un homme avisé, puissant, habile comme le banquier Montreuil, n'ait pu se débarrasser de ce chantage, il faut admettre que sa crainte du scandale était grande, que le secret détenu par le maître chanteur était grave, n'est-ce pas ? » Paulin Broquet ne répondit pas à cette question. Il dit à Raoul, « Je vous demanderai de bien vouloir demain m'apporter quelques feuilles du bloc-notes qui se trouvent sur le bureau de M. Montreuil. C'est celui dont votre père se servait. C'est le même, en effet. Il n'y avait que peu de jours, m'a dit M. Brunel, qu'on l'avait donné à notre père. Bien. » Vous auriez l'obligeance de demander à M. Brunel de se rappeler aussi exactement que possible le jour où l'on a donné à M. Montreuil ce bloc-notes. Je ne l'oublierai pas. Enfin, vous direz au cocher de M. Montreuil de venir demain, vers cette heure-ci, sans qu'il puisse, n'est-ce pas, comme c'est convenu, se douter qu'il aura affaire à moi. Bien entendu. Le lendemain, Raoul lui remettait une partie du bloc-notes. Paulin Broquet compara les feuilles avec la dernière, épinglée par le banquier lui-même, à la dernière lettre exigeant la remise d'une somme d'argent. Cette lettre avait, comme les autres, la lettre R au crayon bleu. Le banquier avait donc répondu et envoyé de l'argent presque aussitôt. Cette somme envoyée par le banquier Montreuil était de 10 000 francs, et l'affiche portait au-dessous du chiffre la date du 15 mai. « Donc, fit Paulin Broquet, le 15 mai dernier, M. Montreuil a versé une somme de 10 000 francs à un inconnu. » Il ajouta en souriant, « Le problème qui maintenant s'oppose à nous est d'un énoncé des plus simples. Le voici. Étant donné une somme de 10 000 francs versée le 15 mai dernier, savoir comment elle a été versée et à qui ? » ?»« Parfaitement. Résoudre ce problème n'est pas tout à fait aussi commode que son énoncé le fait croire au premier abord. Il faut chercher par le monde cet inconnu qui a bénéficié de cet envoi. Et le monde est grand. » « Peut-être, dirent les deux frères, vaut-il mieux abandonner cette recherche et ne pas perdre votre temps, que réclament des affaires autrement intéressantes ?»« Permettez, » dit Paulin Broquet, « ne cherchons-nous pas l'assassin du banquier Montreuil ?»« Oui. Ne voulez-vous pas, vous, les fils, savoir ce que contenait le document que sont venus lui soumettre ses amis, maître Béjanet, notaire et l'huissier, maître Grillard ?»« Certainement. Pour arriver à connaître la teneur de ce document, vous vous êtes fait cambrioleur, et vous avez failli devenir les victimes des vrais cambrioleurs, tombé sous les coups du fameux Zigomard. Aujourd'hui, nous pouvons le dire sans hésitation. C'est vrai. Eh bien, pour vous montrer que la connaissance de la solution de ce mystérieux problème vaut la peine qu'on se donnera à la résoudre et la perte de temps qu'elle exigera, je vous déclare que dans la solution du problème que pose cette fiche se trouve non seulement la teneur du document soumis à votre père, mais la raison de son assassinat et le nom de son assassin. Raoul et Robert regardèrent avec angoisse Paulin Broquet qui, énergiquement, conclut. « Donc, il ne nous reste plus qu'à découvrir cet inconnu. le X de ce problème. Le domestique vint avertir ses maîtres que le cocher était là. « Faites-le venir, » dit Raoul. Paulin Broquet s'était fait une tête de bon inspecteur de la sûreté. Il avait cendré ses cheveux, portait de gros sourcils gris, et sous le nez une forte moustache blanche de vieux grognard. Le cocher qu'il avait vu à l'hôtel Montreuil sans barbe, les cheveux bruns, les sourcils noirs, ne pouvait certes le reconnaître. « N'ayez aucune crainte, Joseph, » dit Robert. « Monsieur l'inspecteur vient vous demander quelques derniers renseignements. »« Je n'ai pas peur, monsieur Robert, » répondit le cocher, « et je suis prêt à répondre à tout ce qu'on pourra me demander. » « Avez-vous présent à l'esprit, » lui demanda Paulin Broquet, « les courses que vous avez fait faire, monsieur Montreuil, le 15 mai dernier ?»« À un jour près, à un jour fixe. Vous comprenez que je ne peux pas me rappeler. Cependant, je puis vous dire quelles ont été les dernières courses que j'ai faites avec monsieur. Il n'y en a pas une seule d'extra. C'est-à-dire, les courses de l'hôtel à la rue Le Pelletier, à la banque, à la bourse, dans les divers établissements de crédit où j'ai maître Béjanet. Donc, vous n'avez pas fait de course extra vers cette époque ? Aucune. Il n'y a qu'une chose qui m'a frappé vers l'époque dont vous parlez. Voyons. C'est que monsieur, qui était allé la veille chez maître Béjanet, se fit reconduire le lendemain rue Notre-Dame-des-Victoires. Vous ne pourriez pas nous préciser quel jour c'était ? Ça, non, messieurs, mais ça ne devait pas être loin du 15 mai. Quelques jours avant ou quelques jours après, mais dans ces environs. C'est bien, fit Paulin Broquet. Vous pouvez vous retirer. Mais il l'arrêta. Attendez, Joseph. Nous n'avons pas besoin, ces messieurs et moi, de vous recommander le plus complet silence. Monsieur Raoul et Monsieur Robert savent combien je suis discret. Parfait. Vous ne devez parler à personne de l'hôtel de cet interrogatoire. À personne, et surtout pas à Marcelin. Le cocher eut un geste énergique. Oh, pas à celui-là surtout. Pourquoi ? Demandèrent les deux frères. Parce que je n'ai aucune confiance en lui. Je ne devrais probablement rien dire, mais M. Robert et M. Raoul savent combien je suis attaché à la maison. D'ailleurs, comme tous les autres domestiques, sauf à celui-là. Ah, cependant, il fait fort bien son service. Oui, mais ce zèle dure tout le temps. On trouve toujours Marcelin dans les corridors, essuyant les portes derrière lesquelles on parle, et il offre son concours quand on fait les autres appartements. Il chercherait un coup à faire, à voler ? Je ne crois pas, non. Il veut seulement savoir ce qui se passe dans la maison. Joseph hésita, puis dit encore, et puis il y a encore autre chose. Quoi donc, Joseph ? Demanda Raoul. Je ne voudrais pas qu'on s'imagine que je fais des ragots sur le personnel de la maison. Nous vous connaissons depuis trop longtemps, Joseph. Et nous vous estimons trop, vous le savez, pour mal penser de vous. Je l'espère. Eh bien, voilà. On a vu plusieurs fois Marcelin, quand il allait en course, s'arrêter dans un bar de l'avenue de la Grande Armée. Il ne nous semblait pas buveur, cependant. Ce n'était pas pour boire qu'il venait là. On m'a dit qu'il retrouvait là des amis à lui. Entre autres, un homme à barbe blanche qui prend tous les paris pour les courses, et puis deux autres plus jeunes, des domestiques qu'on ne connaît pas dans le quartier, où cependant tous les domestiques se connaissent entre eux, et un qu'on m'a dit, et c'est ce qui m'a étonné, un qui serait, d'après cela, le valet de chambre du comte de la Guérinière. Robert et Raoul tressaillirent. « Oui, messieurs. Et vous pensez que j'ai trouvé cela, comme la personne qui me l'a dit, j'ai trouvé cela un peu violent tout de même. Cette personne qui vous a dit cela est une personne sûre ? Oh, c'est un homme de mon âge, que je connais depuis 30 ans. Il est comme moi, depuis à peu près le même temps, dans la même maison. Il savait le malheur qui a frappé mes maîtres, et que le comte de la Guérinière était mêlé dans ces douloureuses affaires. Alors il a trouvé extraordinaire, incorrect, que le valet de chambre de M. Raoul et de M. Robert Montreuil soit en relation d'amitié avec le valet de chambre du comte de la Guérinière, et il m'a averti. » Robert et Raoul remercièrent le dévoué cocher de leur donner ce renseignement dont ils feraient leur profit. Joseph, qui semblait heureux d'avertir ses maîtres, poursuivit. « Je dois ajouter que tout à l'heure, quand je suis sorti de la maison pour venir ici, par un singulier hasard, Marcelin avait aussi une course à faire. Il me proposa de m'accompagner. Je l'ai remercié, et je suis parti par le métro des boulevards extérieurs. Lui, il m'avait dit qu'il allait du côté de Vincennes. J'ai pris la correspondance à Villiers et je suis descendu rue Comartin à 2 pas. Mais voilà, je n'en suis pas sûr parce qu'il a filé entre des voitures. Mais il me semble que j'ai aperçu, reconnu à ma sortie du métro, sur l'autre trottoir du boulevard Haussmann, Mont-Marcellin, vous croyez ? Je pourrais presque l'affirmer. Cependant, le boulevard Haussmann n'est pas sur le chemin de Vincennes. « En effet, » dit Raoul, « Joseph, nous vous remercions, mon frère et moi, des marques d'attachement que vous nous donnez. Vous allez rentrer, soyez prudent, et si vous apprenez, si vous découvrez encore quelque chose de nouveau, vous nous le ferez savoir discrètement. » Comme Joseph se retirait, le domestique vint annoncer au docteur Robert que deux personnes l'attendaient au salon. « Bien, » dit Robert, « j'y vais. » Raoul manifesta quelque étonnement. « L'heure de ta consultation est cependant passée. »« Oui, mais ces personnes peuvent être là depuis un long moment, sans qu'on m'ait prévenu. » Robert passa dans son cabinet et fit entrer le malade, homme d'un certain âge, à belle barbe blanche, très soigné, qui se plaignait de maux d'estomac. Le docteur constata avec surprise que dans le salon, un seul visiteur se trouvait, et non deux, comme l'avait annoncé le domestique. Paulin Broquet jeta dans le cendrier le bout de la cigarette qu'il venait de fumer silencieusement. « Je gage, » dit-il à Raoul, « que le visiteur qui se trouve dans le cabinet du docteur Robert n'est pas plus malade que vous, et beaucoup moins endommagé que moi. » Puis il serra la main de l'avocat. « Ne me reconduisez pas, ne bougez pas d'ici, je vais voir qui c'est. » Il sortit du petit salon sans faire de bruit et se faufila dans le corridor. À ce moment, le docteur Robert ouvra la porte de son cabinet pour congédier son client. Au fond de l'antichambre sur laquelle donnait ce cabinet, se tenait le domestique, prêt à ouvrir la porte au visiteur qui s'en allait. Après un dernier salut au docteur, le client, s'étant excusé encore une fois de s'être présenté si tard, traversa l'antichambre et s'engagea dans l'escalier par la porte que le domestique ouvrit devant lui. Le visiteur était à peine dans l'escalier, qu'un bruit de pas d'hommes qui courent, de bousculades, de meubles renversés et d'objets brisés se fit entendre dans le fond de l'appartement. Puis un homme se précipita dans le couloir, bondit vers la porte de sortie. « Fermez la porte !» cria une voix du fond du couloir. « Fermez, ne le laissez pas sortir !» C'était Paulin Broquet qui accourait. Le domestique était retourné à l'office après avoir fait sortir le premier visiteur. En entendant les cris de Paulin Broquet, il revint dans l'antichambre. Mais l'homme qui fuyait passa devant lui et, d'un coup de poing en pleine figure, l'envoya rouler à terre. L'homme s'échappa et sur lui ferma la porte. Quand Paulin Broquet presque aussitôt arriva à la porte, il entendit que du dehors on donnait un tour de clé et il éclata de rire. « Bien joué !» dit-il aux deux frères qui accouraient alarmés. « Bien joué ! Nous sommes sous clé. Ils nous ont enfermés. C'est très habile. » Mais sans plus perdre un moment, il courut à la fenêtre du petit salon donnant sur la rue et où il se tenait tout à l'heure avec les deux frères Montreuil. Il l'ouvrit et frappa dans ses mains. Il fit un geste dans la rue. Refermant la croisée, il reprit la place qu'il occupait avant cette scène et, tranquillement, il alluma une nouvelle cigarette. Puis il dit à Robert « Docteur, vous devriez soigner votre domestique. Ce pauvre garçon a reçu un fameux coup de poing. » Et devant l'anxiété des deux frères, dont le regard l'interrogeait, il déclara « Ces deux malades bien portants qui étaient là dans le cabinet sont des zigomards. »« Des zigomards ?»« Oui. » Prévenus par Marcellin que le cocher Joseph était convoqué, ils ont voulu voir par qui il était convoqué ici, savoir pourquoi, et ils ont joué cette comédie. Pendant que l'un était dans le cabinet de consultation, l'autre rôdait dans l'appartement et espionnait ce qui se disait dans le petit salon. « C'est inouï. » « Je m'en doutais. » Je sentais cela. Si j'avais mieux connu les êtres de la maison, je le pinçais. Lui, par exemple, les connaissait bien. Je gage qu'il y est déjà venu plusieurs fois. Il en possède la clé, vous l'avez vu. Oui. Je crois pouvoir tenir pour certain qu'il venait ici non seulement pour savoir ce que dirait Joseph, et ils n'ont rien pu entendre, mais aussi qui interrogeait le cocher. Or, je sais qu'il est à peu près impossible de me reconnaître sous ce déguisement. Je me suis fait la tête d'un inspecteur de la sûreté, Legret, qui est populaire, que les zigomards connaissent tous très bien. Ils m'ont certainement pris pour lui, tandis que moi. » Et Paulin Broquet s'arrêta comme s'il ne voulait pas achever sa phrase. « Tandis que vous ?» demandèrent les deux frères. « Tandis que moi, je sais, ayant reconnu la voix, que le prétendu malade à la belle barbe blanche, dont le baron Dupont serait jaloux, c'est mon cher confrère le détective américain, Thom Twigg. Et l'autre, C'est le gentleman voleur qui a préparé le coup du vol de la rivière de la baronne Vancambre, celui qui, dans la garçonnière de l'avenue MacMahon, essaya de distraire très délicatement les magnifiques diamants de la muse du poète précurseur Antime Souffray. C'est ce gentleman voleur qui opérait pendant que Souclé, dans l'autre pièce, se tenait, sans doute très ennuyé et très inquiet, ses compères Thom Twigg et le baron Dupont. Or, ce gentleman, que le pickpocket américain James Twill roula si largement, paradait, quelque temps avant cette scène, dans les salons du financier Guttlar, son ami, et s'appelait à ce moment le comte de la Guérinière. Robert et Raoul sursautèrent. « Le comte de la Guérinière ? » s'écrièrent-ils. « Parfaitement. » Son incarnation en gentleman cambrioleur ne pouvait empêcher les yeux de James Twill de le reconnaître. Car ce James Twill, c'était moi. Et aujourd'hui, l'inspecteur de la Sûreté vient encore de reconnaître le comte de la Guérinière dans le compagnon singulier de Thom Twigg, le malade trop bien portant.